À l'occasion de la Journée du Soleil, la maison d'édition coréenne Alhat a fait paraître en brochure l'œuvre classique du dirigeant suprême Kim Jong-un, le grand président Kim Il-sung et l'éternel leader de notre parti et de notre peuple. Le service de parution de l'œuvre a eu lieu au siège de la maison d'édition.